50 languages. 22. 22. محادثة قصيرة رقم 3. Conversation 3. Conversation 3. هل تدخن؟ Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous fumez? كنت سابقا أدخن. Autrefois, oui. Autrefois, oui. لكن الآن تخليت عنه. Mais maintenant, je ne fume plus. Mais maintenant, je ne fume plus. أيزعجك إن دخنت؟ Est-ce que ça vous dérange si je fume? Est-ce que ça vous dérange si je fume? لا، على الإطلاق. Non, pas du tout. Non, pas du tout. هذا لا يزعجني. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. أتشرب شيئاً؟ Prendriez-vous quelque chose à boire? Prendriez-vous quelque chose à boire? قدحاً من الكونياك. Un cognac? Un cognac? لا، أفضل كأساً من الجعة. Non, plutôt une bière. Non, plutôt une bière. أتسافر كثيراً؟ Voyagez-vous beaucoup? Voyagez-vous beaucoup? نعم، وغالباً ما تكون رحلات عمل. Oui, mais ce sont principalement des voyages d'affaires. Oui, mais ce sont principalement des voyages d'affaires. ولكن الآن نمضي الإجازة هنا. Mais maintenant, nous sommes en vacances. Mais maintenant, nous sommes en vacances. ما هذا الحر؟ Quelle chaleur! Quelle chaleur! نعم، بالفعل، اليوم حار جدا. Oui, aujourd'hui, il fait vraiment chaud. Oui, aujourd'hui, il fait vraiment chaud. لنخرج إلى الشرفة. Allons sur le balcon. Allons sur le balcon. غدا ستقام حفلة هنا. Demain, il y aura une fête. Demain, il y aura une fête. هل ستأتي أيضا؟ Est-ce que vous y venez aussi? Est-ce que vous y venez aussi? طبعا. فنحن مدعوون. Oui, nous y sommes aussi invités. Oui, nous y sommes aussi invités.